Un homme n'avait que deux fils. Un homme n'a bio parce qu'il tous les fonds. Le plus jeune dit à son père: Le plus jeune dit à son père. Il est temps que je sois mon maître. Il est temps que j'aille mon maître. Et que j'ai de l'argent. Et qu'il y ait d'argent. Alors reprenez, il est temps que je sois mon maître et que j'ai de l'argent. Il est temps que je sois mon maître. Alors, Non, oui. est-ce que j'ai mon maître et que j'ai de l'argent. Il faut que je puisse m'en aller. Quelque part que m'en a. Et que je vois du pays. Et que j'ai des pays. Partagez votre bien. Partagez votre bien. Et donnez-moi ce que je dois savoir. Et donnez-moi ce que Dieu veut abhurrer. Ô mon fils, dit le père. Ô mon effort. Dit le père. Alors, ô mon effort, dit le père. Comme tu voudras. Comment voudras. Tu es un méchant et tu seras puni. Je suis un méchant et seras puni. Et ensuite, il ouvrit un tiroir. Et puis, il ouvrit un tiroir. Il partagea son bien. Partagea son bien. Et il en fit deux parts. Et ne faisait deux parts. Quelques jours après, le méchant s'en alla du village. Le méchant s'en alla du village. En faisant le fier. Et faisait le fier. Et sans dire adieu à personne. Et sans dire adieu à l'Igus. Il traversa beaucoup de landes. Traversait fausses landes. De bois. De bois. De rivières. De bois. De rivières. Et il arriva dans une grande ville. Et arrivait dans une grande ville. Où il dépensa tout son argent. Et dépensait tout son argent. Au bout de quelques mois. Au bout de quelques mois. Il dut vendre ses habits à une vieille femme. Vendait sous. Il dut vendre ses habits. Ses habits. Ses habits, oui. Vendait sous habillages père. Per una fenna. A une vieille femme. Et il se loua pour être valet. Et se louait pour être barlette. Barlette. On l'envoya dans les champs. L'embouillait dans les camps. Pour y garder les ânes et les bœufs. Pour y garder les ânes et les bœufs. Alors il fut bien malheureux. Alors j'étais plein malheureux. Il n'eut plus de lit pour dormir la nuit. Ah, j'ai pas plus de liège pour dormir. La nuit. La nuit. Ni de feu pour se chauffer. Ni de feu pour se chauffer. Quand il avait froid. Quand t'as bien frais. Il avait quelquefois si faim. A bien quelque chose t'as faim. Qu'il aurait bien mangé les feuilles de chou. Car il a plein mangé la feuille des escaulettes. Et les fruits pourris que mangent les porcs. Et la fruche pourrie. Comment vous avez dit? Que mangent les porcs. Et la fruche pourrie que mangent les porcs. Mais personne. Oui, mais personne ne lui donnait rien. Et personne ne lui donnait pas pareil. Attendez, il faut reprendre. Digu, il va y avoir pareil. Un soir, le ventre vide. Une bête, le ventre vide. Il se laissa tomber sur un tronc. Se laissa tomber dessus un tronc. Et il regardait par la fenêtre. Et espiava per la fenestra les oiseaux qui volaient doucement. Los ocellos que volaven doucement. Et puis, il vit paraître dans le ciel. Et puis, déjà disparaître dans le ciel. Paraître. Déjà paraître. Apparaître dans le ciel. La lune et les étoiles. La lune et les estrelles. Et il se dit en pleurant. Et se dit en pleurant. Là-bas, la maison de mon père. À l'ail, l'hostal de mon père est plein de valets qui ont du pain et du vin. Est plein de. Non, un patois la valet. L'hostal de mon père est plein de valets. Non, le valet, le. Oui, un valet, c'est un valet qui a pas quoi. Là-bas, la maison de. L'hostal de mon père est plein de valets. Qui ont du pain et du vin. Qui ont du pain et du vin. Des œufs et du fromage. Dios et des fromages. Tant qu'ils en veulent. Tant qu'ils en veulent. Pendant ce temps. Pendant quel temps. Moi. Yo. Je meurs de faim ici. Maudit, c'est des femmes.